Bon, il faut que je fasse vite, Charline. Sachez qu'il y a Patricia Martin qui chauffe le siège à côté de moi pour faire des enregistrements. Donc voilà, je suis obligée de vous laisser très vite. Très bien, mais écoutez, tout ça se fait en famille. Bonjour à Patricia Martin, qu'on retrouvera ce week-end. Charline. Bonjour Patricia. Allez, je ne mens pas. Hein. Oh, plus on est de fous, plus on rit. Allez, écoutez, la prochaine fois, venez toutes chez nous. Et puis, on arrive. Très bien. Tout à l'heure. On vous amène Nicolas Bétou, si vous voulez. Laetitia Gaillet, Patricia Martin, toute l'information de France Inter. N'écoutez pas tout à fait comment nous, on choisit les sujets le matin, parce que des fois, c'est... Ça dérape. Ouais. Des fois, ça dérape, comme ce matin, quoi. Salut les amis. Salut Charline. J'ai mis une ambiance d'été. Pourquoi tu dis ça? Pour une fois, il n'y a pas qu'Alex qui a une chemise à fleurs. Ah, c'est vrai. Ouais, qu'est-ce qu'on fait? Alors moi, je propose, comme il fait beau, on fait une sangria. Ah ouais, super. Enfin, qu'est-ce qu'on fait dans l'émission surtout, Une fois qu'on aura bu la sangria, on aura plein d'idées. Non, d'abord le travail, l'été. L'amour entre Hollande et Dassault. Voilà, ça c'est bien. Pas terrible, c'est un peu nul. Monsieur, mais c'est très français, c'est un peu comme le vin rouge dans la sangria. Ah d'accord, ouais, dans ce cas-là, ouais, c'est pas mal, c'est vrai. Et il y a aussi l'école polytechnique. Très bien. Ouais, c'est pas terrible, c'est un drôle de sujet. Je pense que ça nous fera une émission très disparate. Non, c'est bien d'avoir des choses différentes. C'est comme les fruits dans la sangria. Ah ouais, c'est vrai, vu comme ça, c'est bien, d'accord. Peut-être ce matin, je suis obligée de tout ramener à la sangria pour vous convaincre, c'est fatigant. Résultat, on avance bien, allez, je vais couper les oranges. Ouais, prends du bon vin, hein, pas un cubi. Mais vous voulez pas des boules de pétanque, non? Bonne idée, ça. Mais non, on bosse là, il nous manque un sujet, je vous dis. Allez, on y va. Brigitte Bardot. C'est bon, c'est ça. Attendez, c'est quoi l'idée là? En fait, il y a un marchand de Saint-Tropez qui utilise son image et ça l'énerve. Ah, c'est parfait, c'est impeccable. Oui, bon, d'accord, ok. Mais je peux savoir pourquoi vous avez accepté ce sujet tout de suite? Eh bien, parce que Brigitte Bardot, c'est comme la sangria. Bah oui. Ah bah pourquoi? Parce que dès qu'elle a un peu vieilli, elle est beaucoup moins bonne. Bonjour Rire et Chanson. Bonjour la France Inter. Excusez-nous la France Inter. Bonjour à tous. Vous écoutez l'émission qui découpe l'actualité au scalpel et voici les trois informations qu'on va tailler avec plus ou moins de précision comme les fruits dans la sangria jusqu'à 18h. Serge Dassault n'a jamais été aussi heureux et c'est grâce à la gauche qui vend ses rafales. Il est tellement heureux, le Sergio, qu'il a fait un énorme bisou à François Hollande. Je te jure que je sais pas ce qui m'arrive, mais ça fait déjà plusieurs mois que je ressens un truc bizarre quand je te vois. Il n'y a qu'avec toi que je ressens ça. L'école polytechnique doit être réformée. Alors déjà, si on commençait par le chapeau ridicule et l'épée que portent les étudiants, ils auraient moins de problèmes avec leur mère. Tu sais bien que tu dois être habillée en bleu dans ta nouvelle école. Et moi, je te trouve très mignon comme ça. Mignon? Mais je suis pas mignon, là. Je ressemble à l'autre bas train de décorer. Brigitte Bardot est furieuse contre une boutique de Saint-Tropez qui vend des tasses, des montres et des espadrilles à son effigie. Le commerçant prétend que ce qu'il exploite, c'est l'image d'un tableau de bébé. C'est là que je me rends compte que malheureusement, je vous ai beaucoup moins bien réussi que le pauvre. Je suis accompagnée. C'est pas tellement plus gentil que mes blagues de sangria. Voilà. Et je suis accompagnée de celui dont les initiales à lui sont AV, pour qu'on puisse le saluer, un empereur de la blague. AV, Alex Vizorek. Mais bonjour Charline Vanhoenacker, la sangria arrive à 17h20 autour de la table. Vous avez coupé les oranges tout l'après-midi. Ben oui, c'est ma meilleure réplique. À 17h20. Celui qui hier s'était vu confier l'interview de notre charmante invitée Indy Zara, eh bien à la fin de sa première question de 4 minutes 12, elle a répondu oui. Bonjour André Manoukian. Bonjour Alex, bonjour Charline, moi dont les initiales AM sont les initiales de l'amour, donc... Excusez-moi. Je vais vous parler d'une la patronne des envoûteuses. Elle s'appelle Mélodie Gardot et son scat est cosmique. À 17h30, aujourd'hui c'est un peu calmé, normal avec toute l'énergie qu'il a dépensé hier, c'est le principe des vases communicants. D'ailleurs, chez lui, il n'y a que les vases qui communiquent, lui, il soliloque. Bonjour Guillaume Meurice. Bonjour Alex, bonjour Charline. Moi, je me suis intéressé aujourd'hui aux migrants qui ont été expulsés cette semaine à Paris dans le 18e arrondissement, un quartier cosmopolite, comment dire? C'est la multirationalisation. Voilà, un quartier où on retrouve beaucoup de rationalisations différentes, bien évidemment. À 17h40, ce sera tapis rouge pour l'entrée de la baronne dans cette émission. Hier, elle nous a parlé de 1984 d'Orwell, un livre de science-fiction. Et moi, j'aime la science-fiction, car elle seule me permet encore d'imaginer qu'un jour, je vivrai une grande histoire passionnelle avec Clara Dupont-Monod. Bonjour. Bonjour Alex. De quoi va-t-on parler? On va parler du très très beau livre de notre invité. Ah. Si tu écoutes, J'annule tout est présent dans un monde virtuel sur Twitter, hashtag annule tout, et sur Facebook. Et oui, chaque jour dans cette émission, nous sommes accompagnés d'un invité de référence qu'on appelle un référent de la République. Vous êtes né sous De Gaulle, vous écrivez vos premiers articles dans Elle en 89, c'est l'année où Patrick Bruel chante « Casser la voix ». Et nous les oreilles. Vous dirigez la rédaction de Elle à partir de 2002, quand Yves Saint-Laurent prend sa retraite. Et vous publiez un livre intitulé « Pour en finir avec la femme » en 2004. C'est l'année où « Pour en finir avec Evelyne Thomas », France 3 arrête la diffusion de « C'est mon choix ». Vous êtes morte de rire. Elle est morte de rire, elle va pas vous voir dire qui elle est. Alors on va le dire à votre place. Valérie Thorignan. Oui. Sur France Inter, Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek, si tu écoutes, j'annule tout. Valérie Thorignan, vous publiez un roman chez Flammarion qui s'appelle L'étrangère, que Clara Dupont-Mono a adoré. Elle va nous en parler tout à l'heure vers 17h40. Un titre qui fait référence à Camus, n'est-ce pas? En tout cas, ce qui nous met sur la voie, c'est la première phrase du livre. Est-ce qu'on appelle l'exergue? L'exergue. Exactement. Qui dit « Ceux qui ont vraiment quelque chose à dire, ils n'en parlent jamais ». C'était le cas de votre grand-mère, Arvani. Vous n'êtes pas parvenu vraiment à briser son silence sur le génocide arménien, ou c'est ce qu'elle a vécu, mais vous avez arraché quelques confidences. Le roman commence à peu près en 1915 en Arménie, en tout cas au deuxième chapitre, où votre grand-mère échappe à un convoi de la mort. Il y a une traversée qui se poursuit jusqu'à Marseille, et puis 30 ans plus tard, vous dites à Paris, dans une famille bourgeoise dont elle est la patronne, quoi. Ouais. Qu'est-ce qu'elle vous a légué, outre évidemment cet ouvrage dans lequel vous racontez son histoire? Qu'est-ce qu'il y a d'elle qui vit en vous aujourd'hui? Alors, il y a des choses évidentes, c'est les cheveux bouclés, les paupières qui tombent. J'ai pas une aussi grosse poitrine qu'elle, parce que dans le roman, je raconte, étant petite, à quel point cette poitrine imposante me terrorisait et je priais Dieu de pas avoir la même. Et je voyais bien en même temps dans mon miroir que j'avais une maman qui était une Française de pure souche, comme on n'a pas le droit de dire, mais je le dis quand même. Et cette grand-mère, la mère de mon père, qui était une orientale, une vraie orientale, une arménienne, voilà, pure jus, avec sa cuisine à l'ail et aux oignons et tout ce qui va avec. Et je voyais bien que moi, j'étais quand même dans un conflit de loyauté, mais hélas, le miroir me renvoyait quand même physiquement beaucoup à cette grand-mère, et pas tellement à ma mère que je vénérais, qui était blonde, avec les cheveux lisses et les yeux bleus, pas tout à fait mon... phototype. Alors, parce qu'il y a deux camps. Il y a vos frères et sœurs qui ont les cheveux tout lisses et qui ont les yeux bleus. Et il y a vous, où vous êtes définitivement du côté des bouclés, vous dites. Voilà, moi je suis dans le camp des bouclés avec mon père et ma grand-mère. Mon frère qui en plus a la chance d'être un garçon dans une famille orientale. Donc de toute façon, même les cheveux bouclés, il aurait été la superstar. Mais effectivement, il a les cheveux blonds, très, très bizarrement, qu'il n'a pas gardé d'ailleurs. Et les yeux clairs. Et... blague à part, c'est un peu dans mon enfance. Ma grand-mère habite, il se trouve que le hasard fait qu'elle habite au-dessus de chez nous, dans un appartement, dans l'étage du dessus, au cinquième étage. Nous sommes au quatrième. Et sa cuisine est un antre où je me réfugie, où je fais tout ce que j'ai pas le droit de faire. C'est-à-dire qu'à côté, il y a la télévision. La télévision est interdite chez nous au quatrième. Donc je me réfugie chez ma grand-mère pour regarder la télévision. On partage ensemble des moments magistraux, tels ces épisodes de Ma sorcière bien-aimée. Ma grand-mère ne comprend absolument... Enfin, je pense qu'elle ne comprend rien au français, en fait, je me trompe, mais elle se met un point d'honneur à ne pas parler le français, parce que ce qu'elle veut, c'est garder une communication avec ses petits-enfants qui soient l'arménien. Chose difficile, puisque moi-même, je n'apprendrai l'arménien que très tard, et notre conversation... Enfin, nos échanges se font sur un mode... de la cuisine, des gâteaux, de tout ce qu'elle... Et la transmission, elle se fait aussi par ça. Et puis après, je pense que pour répondre à votre question, je dois forcément tenir des choses d'elle. Elle avait un sale caractère, donc peut-être que j'ai parfois de temps en temps avoir un peu comme ça, un caractère un peu vif. L'orgueil. Vous dites que quiconque a une goutte de sang arménien est très orgueilleuse. Et voilà, elle vous est dites, terriblement voilà. orgueilleuse. On comprend mieux André Manoukian, du coup. Voilà. Elle est terriblement orgueilleuse. Alors, vous parlez de votre grand-mère en disant... vous parlez de sa poitrine. Vous dites, c'était à la fois dur et mou, c'était énorme, et c'est aussi son caractère qui est comme ça. Et quand je dis qu'est-ce que vous avez gardé d'elle, quand on lit votre récit, il y a des passages qui prennent vraiment à la gorge. Clara, vous en parlerez tout à l'heure. Quand lors du convoi, il y a des femmes qui abandonnent leur bébé près d'un point d'eau, et qu'ensuite on entend des loups et puis des cris plus aigus. Donc c'est un récit très dur. Il y a aussi cette partie-là. Alors, comment vous avez fait pour parler avec elle, recueillir ce témoignage qui est d'une force incroyable, et briser ce silence, parce que c'est l'exergue Berg, vous citez Camille, ouais. Hein, ceux qui ont vraiment quelque chose à dire, ils n'en parlent jamais. Comment voilà. Vous avez fait ? Elle voulait jamais. Alors, il y avait toujours un excellent prétexte pour ne pas parler. D'abord, on a eu des problèmes pour communiquer, puisqu'elle ne parlait pas français et moi pas arménien. Puis, quand j'ai commencé à bien parler l'arménien, il y avait toujours... je suis venue, je me souviens, j'étais enceinte de mon premier enfant. Je me suis dit, je suis en congé maternité, j'ai un mois devant moi, je vais aller voir ma grand-mère et je suis arrivée avec mon carnet noir. Et là, elle m'a dit, je lui ai dit, bon, bah, écoute, voilà, maintenant il faut que tu me parles, j'ai des questions à te poser. Tu vas me parler de ta famille, tu vas me parler de comment ça s'est passé, etc. Et elle m'a regardée froidement et elle a dit, tu penses quand même pas que je vais te parler maintenant alors que tu as un bébé dans ton ventre et que ça va traumatiser ton bébé. Donc elle avait toujours une astuce, c'est un peu comme chez Razad, qui repousse. Peut-être qu'elle, vous savez, ces choses-là sont assez indicibles, hein. C'est une banalité de le dire, mais c'est une vérité. Après, la position de la personne qui veut arracher, oui, vous avez arraché des confidences. Ben oui, on a l'impression à un moment donné de faire une espèce de boulot obscène, mais raconte-moi. De journaliste, quoi. Et oui, sauf que c'est votre grand-mère, et que quand à un moment donné vous devez demander à votre grand-mère, mais dis-moi, toi, est-ce que toi t'as été violée? Je vous jure que c'est une question très difficile à poser, et pourtant, j'avais besoin et envie de savoir. Ce génocide, je le connaissais parce que j'étais arménienne. On sait tous qu'on est les petits-enfants. Enfin, ma génération, nous sommes les petits-enfants des rescapés. Je sais ce que ça signifie. Je sais l'horreur que ça a été. Mais comment elle, qui était ma chair et mon sang, comment elle avait vécu ces événements-là, j'avais envie et besoin de le savoir. Et ça a été une... Je suis quand même parvenue à la fin de sa vie, mais vraiment les deux dernières années à elle est décédée à 96 ans. Oui, absolument, absolument. Voilà, c'est le roman de Valérie Thoragnan qui est avec nous, L'étrangère, paru chez Flammarion, un récit de l'intérieur d'un convoi de la mort. Voilà, très très poignant. Il y avait une pointe de dérision aussi par moment. Un roman que Clara Dupont-Mono a beaucoup aimé. Elle vous en parlera tout à l'heure. Et des descriptions de poitrine aussi, il faut oui. le livre. Les poitrines. Très précise. Car il y a la poitrine de la grand-mère. De Valérie Thoragnan, Arvani, et puis il y a Les yeux de ma mère de Arnaud pour vous. J'aime l'odeur au-dessous. Arnaud, les yeux de ma mère, tu vois le bazar, quoi. C'était sur son album à la française, paru en 95. Premier album sans titre et en néerlandais ou en flamand. Je peux parce que oui, je suis flamande. Charline, ça devrait être votre vrai accent, ça. Oui, c'est j'adore. Oui, oui, allez-y mais non, encore. Là, vous voulez du mal, là. Mais non, non. Nous sommes en compagnie de Valérie Toragnan et en compagnie de deux Arméniens. Valérie Toragnan, André Manoukian, Guillaume Meurian, Dupont-Mognan et Visokian. Et j'ai un petit cadeau pour vous. J'ai demandé à nos deux stagiaires, Manon Claverie et Apollinaire Ferrand, d'aller nous chercher de la sangria que nous allons boire tous ensemble autour de la table. Donc je les remercie. D'accord. Donc, chers auditeurs, si vous nous rejoignez seulement maintenant, je me suis payé la tête de Visorek qui a fait un sketch à base de sangria. C'était et donc, très drôle. Maintenant, je vais finir sur ma tête. Aucun humour sangrien. Bon, alors en attendant qu'on débouche, on embrasse le CSA, bien sûr, chaque fois qu'on trinque. Et on va couper les oranges. Voilà. Cher auditeur, toi qui as envie d'être informé, écoute-nous. On consomme massivement l'actualité. On met des morceaux de fruits dedans et on passe tout ça à l'essoreuse. Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek. Lui, c'est le raisonnable. Elle, c'est la colérique. C'est juste faux. Lui, c'est le modéré. Elle, c'est l'excessive. L'info au kilo. Ah, il y en a un peu plus, je vous le mets. Et on commence par une information qui avait opposé la Belgique et la France. Exactement, l'affaire de la pièce commémorative de Waterloo. La France ne voulait pas, comme par hasard. La Belgique voulait, mais ne pouvait donc pas frapper une pièce de 2 euros en cas de refus d'un autre pays de la zone. Ah, et alors comment ça s'est terminé, Alex ? Eh bien, la Belgique a commencé à frapper lundi dernier une pièce de 2,50 euros. Et là, la France ne peut plus rien dire. Ah, mesquinerie. Donc, la pièce ne peut pas être utilisée. Je peux pas aller chez Monoprix avec, je veux dire. Exact. Donc, voilà. Tout le monde est content parce que tout le monde a tenu son rôle. La France a cassé les pieds à tout le monde et la Belgique a conçu un truc qui servait à rien. Comme d'habitude, tout est normal. Voilà. Alors, revenons aux turbulences de Manuel Valls. Oui, turbulence, c'est le bon mot. Eh bien, dans les matinales, ce matin, tout le monde avait son avis avec la droite qui était un peu plus moqueur, Xavier Bertrand sur Europe 1, qui nous prend un peu notre job. Il réinvente un nouveau dicton. Faut avouer à moitié remboursé. Drôle, drôle. Pas mal. Pour un républicain, c'est pas mal. Et à gauche, on n'ose pas l'humour, on tente la solidarité, mais une genre de solidarité maladroite. Pierre Moscovici sur RTL. Vous savez, il y a une chose que je veux dire, bon, Manuel Valls tire les conséquences de ça. Chacun sait aussi que le Premier ministre français est un homme dont l'intégrité ne peut pas être mise en doute. C'est un vrai diplomate. Non, je suis aussi un ami. Je suis surtout un ami. C'est pas qu'il est honnête, c'est que c'est mon pote, c'est beau. C'est beau l'amitié. Ouais, par contre, personne n'a fait qu'importe le Falcon pourvu qu'on ait l'ivresse. On aurait pu leur donner. Passons à une info qui nous vient de Levallois. Oui, avec ce titre dans les journaux, Levallois, des habitants défilent devant France Télévisions pour soutenir le couple Balkany. Ah bon ? Oui, suite au complément d'enquête à charge sur les Balkany, sont venus dire stop au lynchage médiatique. Ah oui, moi je trouve ça beau. Ils en ont assez de voir que leur mère est un escroc. C'est ça, mais pour éviter ça, je ne saurais que leur conseiller d'aller manifester devant le domicile des Balkany. Passons à une info conso. Oui, le Made in France en plus, car on apprend aujourd'hui que pour vous prévenir des coups de soleil, un bikini à puce est désormais disponible sur le marché. À quoi ? Un bikini à puce. Ah mais c'est pas nouveau ça. Comment ça ? J'ai une copine qui... Oui, non, ça va. Passons à une info. Le couple Brad Pitt et Angelina Jolie a effectué un vol Paris-Nice avec les 6 enfants en classe économique. Pauvre gosse, c'est pas facile d'être mal né. Hein. Tout le monde n'a pas la chance d'être né chez les Valls. Et on termine par un décès. Oui, l'immense tristesse parce que le grand acteur Christopher Lee nous a quittés. Donc maintenant on peut dire Christopher Lisez, quoi. Oh là là là là là là là là. Ne vous moquez plus jamais ça, de Xavier Bertrand. Sinon, il y a Ornette Coleman qui est mort aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un sait qui est Ornette Coleman ? Si, j'aime bien l'aviron, moi. Il y a une vanne ou non ? Non, c'est un joueur de clarinettiste. Ah, c'est un clarinettiste. Saxophoniste de free jazz, voilà. Formidable. Donc, Jeannette Bougrabe est doublement veuve. Alors, premier sujet. Serge Dassault. Oui, Valérie Toragnon, restez avec nous. Il y a un peu de sangria. C'est une émission à base de sangria aujourd'hui. Je ne vous le cache pas. Ça sent la fin de l'année. Ça sent le lâcher prise. Serge Dassault n'a jamais été aussi heureux que sous la gauche. Hollande est son meilleur VRP. Alors, il y a quelques semaines, un moment pour l'histoire de la gaudriole, Sergio a embrassé François comme du bon pain. Et depuis, en plus, il s'en vante. Moi à mon bisounours, je lui fais des bisous. T'es gentil, t'es tout doux, t'es géant, t'es tout fou. Un bisou sur la joue, un bisou dans le cou. Ah, c'est beau. Il faut voir cette photo. Oui, c'est disponible. Donc c'est un article de l'Obs qui paraît aujourd'hui. C'est l'Obs de cette semaine avec une très jolie photo. Il n'y a que BFM qui a réussi à capter l'instant parce que ça a surpris tout le monde. On n'est pas loin de Honecker Brejnev. On est à deux doigts de l'appel. Alors Valérie Thoragnan, cet article dans l'Obs nous explique en dessous, il y a un petit encadré qui nous dit que Le Figaro, donc propriété de Dassault, est un petit peu moins mordant, semble-t-il, envers François Hollande depuis qu'il a réussi à vendre des dizaines de Rafales. C'est amusant, non? Ça c'est. Ouais, je suis pas sûre. Je pense que. Ouais, je sais pas, je suis pas certaine. Je pense que alors attention, ils ont été très pro Sarkozy. Peut-être que maintenant ils vont être un peu plus. Non, mais ils vont équilibrer entre Juppé et Sarkozy. Oui, il y a un petit rééquilibrage. Il y a des rééquilibrages, mais par rapport à Hollande, je pense qu'il en prend quand même pour son grade assez régulièrement et c'est pas grave. C'est d'ailleurs ça qui est beau dans cette histoire et touchant dans ce bisou, c'est que finalement il lui fait un bisou, mais qu'est-ce qu'il s'en prend dans la figure quand même du Figaro de la part du Figaro Hollande. Donc c'est bien. Moi j'aime bien cette histoire. Voilà, la France d'abord et puis les petites querelles intestines, c'est pas grave. Tant qu'on est dans les groupes et la presse et comment ils fonctionnent, vous avez été rédactrice en chef de Elle pendant plus d'une décennie, si je ne me trompe. Et j'ai une question pour vous qui me turlupine depuis un moment. Le patron de Elle, c'est bien Denis Oliven. On est d'accord. C'est le patron du groupe. Du groupe Lagardère. D'accord, le groupe Lagardère qui détient Elle. Ouais. La femme de Denis Oliven, c'est bien Inès de la Fressange. Ouais. Alors, est-ce que c'est normal? Ça t'est arrivé ou pas, là? Pas du tout. Alors, je vois pas du tout. Est-ce que c'est normal? Il y avait une bonne ambiance sur le génocide, et puis là, vous venez avec des trucs qui ont emmerdé tout le monde. Il y a deux, trois semaines, elle a consacré un numéro spécial de 20 pages à Inès de la Fressange pour faire de la retape pour sa nouvelle boutique. Ça, en France, donc, c'est normal. C'est ça. Non, parce qu'ils sont fait épingler quand même. À peine. Par le canard enchaîné. Un petit article dans le canard. Inès de la Fressange, moi, je l'ai bien connue et elle était une des égéries du journal bien avant sa relation avec. C'est ce que je lui disais dans le bureau toute la journée. Donc, on l'a traitée dans le journal, on a fait des couvertures. C'était une autre époque, un autre moment. Maintenant, là, c'est vrai que voilà, il y a une démonstration d'affection particulièrement. Oui. Ce qu'on appelle communément un conflit d'intérêts. Démonstration d'affection. Vous voyez que c'est pas la même chose. Quand des termes galants, ces choses-là sont dites. Quand ces choses-là sont dites, ça fait du bien. Ça doit être dit. Voilà, on prend le relais du canard enchaîné de ces excellents articles. C'est toujours un plaisir de voir Inès en couverture. Mais on vous conseille aussi l'achat de Elle. Achetez la presse de toute façon, de manière générale. Ça même fera du bien à Inès de la Fressange. Voilà, exactement. Qui a ouvert une boutique, disons-le, parce que ça n'était pas assez dit. Elle vend un petit peu de la merde. Donner un petit coup de pouce aux gens qui sont dans le besoin. André Manoukian, c'est votre moment, à côté de Valérie Thoragnan, c'est le moment arménien. Alors un peu de douceur, oui, alors j'ai parlé d'une chanteuse de jazz, mais c'est vrai que le contexte est bizarre avec ce livre sur le génocide arménien, mais si, c'est Aznavour qui le dit, l'Europe découvrait le jazz pendant que nos grand-mères se faisaient massacrer. Alors revenons au jazz, Mélodie Gardot, c'est une voix, quand elle est arrivée, chaque fois qu'il y a une nouvelle voix qui arrive... J'ai un petit choc comme ça, et j'ai envie de savoir d'où ça vient. Frisson. Oui, un grand frisson, parce que l'idée, c'est d'inventer. C'est pas de reprendre le travail d'Ella Fitzgerald, de reprendre le travail de Sarah Vaughan. Il y en a plein des chanteuses qui... Mais elle arrive et elle marque une rupture tout d'un coup. De la même manière que Norah Jones a marqué une rupture, et de la même manière que Julie London, à l'époque, a marqué une rupture. Lara Fabian, Shelton aussi. Non. Alors... Elle remet au goût du jour un genre qui était devenu complètement désuet et obsolète, le scat. Petite histoire du scat. Au commencement était Ellen Kane. On est en 1928 et ce tube que vous reconnaissez certainement, en fait, il naît à Broadway dans une comédie musicale. Ellen Kane est une brunette, elle est née en 1905 dans le South Bronx. Elle est chanteuse de Broadway, chorus girl avec les Marx Brothers. Et elle va connaître la gloire avec cette chanson juste à cause de ça. Alors cette amorce de Poupidou, il va être reprise dans un dessin animé. On est dans les années 30. Le dessinateur va prendre la tête d'Ellen Kane, c'est-à-dire une tête un petit peu joufflue comme ça, avec des grands yeux un peu tristes, un peu comme ceux de Valérie Thoragnan, mais immenses comme ça, quand ils vous regardent, avec des bouclettes aussi, des bouclettes noires, avec des jambes sublimes, un peu comme les jambes et de Valérie Thoragnan. Et des gros seins, attention. Et là, et gros seins, Betty Boop, ça va donner ça. Donc là, on est dans le scat Kiminode, on est dans le scat terriblement coquin. Là, on est dans un scat, dans un dessin animé, on est dans les années 30. Et la meuf, elle est super sexy, elle a des petites mini-jupes, à tel point que la censure va commencer à dire il va falloir un petit peu lui rallonger la jupe. On va continuer dans le poupoupidou de choc avec celle-ci. C'est pas Sacha Distel, c'est l'original, mais c'est l'original. Passing by his cart with fruit. Elle, c'est Peggy Lee, la créatrice du Sulfureux Fever qui fait transpirer la moustache du grand créateur. Donc là, on est passé chez les blondes maintenant. Alors, on peut pas échapper à la sainte patronne du genre qui, elle, va avoir pompé à la fois à Betty Boop et à Betty Page. Pas Betty Page. Hélène Kane. Là, c'est Marilyn Monroe. Excusez-moi, c'est la sangria. Elle a pompé aussi Kennedy, il me semble. Donc Marilyn qui a pompé Hélène Kane. On ne sait pas balance. Voilà, allez, on va à tout petit peu. Moi, je vous écoute, André. Lâchez rien. Un tout petit peu de vrai scat maintenant, parce que c'est quand même Ella qui l'a. Ella Fitzgerald, bien sûr, le vrai scat. Pour une fois qu'il fait une chronique musicale, les gars. Le groove qu'il faut avoir pour faire ça, on va dire qu'Ella Fitzgerald, c'était donc la championne du genre. Alors, donc là, elle est en train de chanter One Note Samba. On en est où aujourd'hui? Alors, on en est où? Le scat, c'est une manière d'improviser, mais ça ne sert pas qu'à improviser ou qu'à rendre les adolescents un peu furieux. Le solfège aux États-Unis est enseigné avec le scat. Le son de solfège en France, noir, noir, croche, croche, noir. Aux États-Unis, on dit do, dat. C'est-à-dire que dans le do, il y a la durée de la noire. Et dans le dat, il y a la compression. Et quand vous avez toute une classe de solfège qui dit do, dat, w, dat, mais vous avez juste envie de faire du solfège. Vous avez vu comment ça swing? Alors que chez nous, c'est noir, noir, croche, croche, noir. Bref, il y a une approche. On dirait tellement... du Vincent Delerme. Exactement. Il y a une approche tellement sensuelle de cette affaire-là que le scat, c'est ce qui va servir au chanteur à se mettre au niveau du musicien et à pouvoir improviser. Sauf que ne peut pas improviser qui veut. Alors, on en est où aujourd'hui? Ben, on en est à Cosmic Mélodie Gardot qui, elle, va inventer une nouvelle forme de scat. La clavotille, la clavotille, elle part, on n'est plus dans le doudat, elle invente carrément des mots. Encore un petit morceau d'Elodie Gardot, de Mélodie Gardot, c'était sur son premier morceau. La pop-up. On a carrément même... On va même du côté d'Enrico Macias, non? J'ai une question pratique. Il y a des droits d'auteur pour ça? Ou c'est vraiment... Par rapport au scat? Oui, parce que là, bon, c'est quand même... On peut tout déposer, bien sûr, c'est une improvisation. D'accord. Qu'est-ce qu'elle nous apprend, Mélodie Gardot? Le lâcher prise. La leçon reste fondamentale en musique. S'il fallait retenir que ça comme leçon de musique, c'est le lâcher prise. Mon premier cours de piano, mon prof, j'avais 6 ans, il s'appelait Alexandre Cyranossian. Il nous a fait lever les mains comme ça en l'air et faire ouf, c'est-à-dire respirer, lâcher, lâcher, lâcher. Le lâcher prise qui va faire, hélas, de l'héroïne, la drogue préférée des jazzmen. Un musicien qui performe sur scène, il est en lutte en fait. Et le paradoxe, c'est que cette lutte ne doit pas se voir. Le paradoxe, c'est que le jazz est une musique de liberté, mais qu'elle nécessite des années d'apprentissage rigoureux pour explorer ses chemins de liberté. Parce que dans toutes les choses trappes d'une grille harmonique, il faut avoir l'agilité d'un acrobate, la grâce d'un danseur, l'œil d'une mouche pour voir 200 images par seconde, là où un humain normal en voit que 24. abandonne. Il faut peut-être un point final. Faut, là, peut-être un point final. Alors attendez, je saute trois pages et je reviens à Mélodie Gardot. Ce dernier album a été produit par Larry Klein, qui est un excellent producteur. Il y a deux Français de génie à ses côtés qui sont allés à Los Angeles. C'est Clément Ducol, arrangeur de cordes somptueux, qui a bossé avec Camille, et Maxime Le Guil, qui est au son et au mix. C'est quand même la classe que le gros son californien maintenant soit assuré par des Français. Voilà, c'est ça. Mélodie Gardot, elle nous donne la leçon ultime de musique, on s'abandonne. C'est une leçon d'amour aussi, parce que ce qu'il y a bien dans la musique, c'est que tout est transposable en termes de caresses, même dans le solfège. Dou, dat, dat, dou, dou, dou, dou, dou. You say you gotta ride, you gotta stack a dream. Et on vous conseille d'écouter Mélodie Gardot. On n'aura pas le temps d'écouter, c'est curieux, puisqu'il est déjà 17h37. Le scat d'André Manoukian, c'est tellement beau aux oreilles. Alors que l'album de Mélodie Gardot, vous pouvez l'acheter. Oui, c'est vrai. Et l'écouter chez vous, dans votre salon, sans la voix d'André Manoukian dessus. Mais si vous voulez écouter Mélodie Gardot dans votre salon, avec le CD, vous pouvez aussi mettre franceinter.fr et podcaster André Manoukian et coller les deux. Et ça, c'est merveilleux. C'est France Inter, c'est le service public. Nous sommes en compagnie Mélodie, de Valérie. Je suis désolée si tu m'entends. Nous sommes en compagnie de Valérie Toragnan qui publie L'étrangère chez Flammarion. Clara Dupont-Mono va nous en parler dans un instant. Valérie Toragnan, à vos côtés, celui qui a fait une saillie pendant la chronique d'André Manoukian s'appelle Guillaume Meurice. Il fait de la comédie d'investigation. Alors écoutez-le, puis on débriefera ensuite. Si on a le temps. Bon, écoutez, aujourd'hui, Charline et Alex, je suis révolté. Révolté par cette histoire de migrants embarqués en plein Paris, dans le 18e arrondissement, par des CRS. Révolté parce que les CRS n'ont pas fini le boulot. Je suis désolé, il y a encore plein de migrants qui traînent partout. Attention, je suis pas raciste. Hein, j'adore l'Afrique, la preuve, j'ai un djembé chez moi, c'est pas la question. Mais j'espère bien qu'il y aura d'autres opérations de ce type prévues. D'ailleurs, pour le savoir, j'ai appelé le commissariat du 18e. Vous avez déjà vu ce qui a été fait, et ce qui a été fait va être refait. Moi, vous comprenez, en plus, j'ai un petit chien, j'ai un Yorkshire, et il est très sensible à ça. Il a peur des Noirs, c'est comme ça depuis le début. Bon, c'est peut-être pas l'arrondissement qu'il vous faut, alors. Ah, vous pensez carrément ? Là, j'en sais rien, moi. Ah, parce que vous pensez qu'ils vont rester, du coup, alors ? C'est un arrondissement qui est populaire. Des Noirs, vous en verrez partout. Oui, mais le travail de la police, c'est de faire un petit peu le ménage, non, quand même ? Ben, nous, on fait le ménage, mais non, si votre chien, il a peur des Noirs, il y a des Noirs qui sont français. Ah bah, voilà autre chose, il en manquait plus que ça. Bon, au début, mon chien, il aboyait devant Yannick Noah. Moi, je pensais juste qu'il avait bon goût en musique. Mais en fait, non, il était plus français que moi. Il avait compris la tradition française d'accueil de l'étranger. Alors, bon courage à la police française, hein, qui a fait ses preuves à d'autres époques, quand il s'agit d'embarquer des gens de force dans des bus. Et tout ça, sans violence, bien sûr. C'est une habitante du quartier qui me l'a confirmé. Malheureusement, les journalistes ont dit que les policiers avaient été brutaux. C'est pas vrai. Ils les ont pris chacun un pied, chacun un bras, ils étaient quatre. Bon, ils sont rentrés en planche à voile, mais... Attends, ils sont rentrés en planche à voile ? Ben, c'est-à-dire que comme ils voulaient pas aller dans les camions, ils les ont attrapés un peu de force. Voilà, un peu de force, mais ça va. Hein, en plus, il leur aurait offert un tour de planche à voile. Enfin, ça, j'ai pas tout pigé. En tout cas, ça prouve bien que les images qui ont été diffusées, où l'on voit des CRS violenter des migrants, sont bien des images de synthèse, créées de toutes pièces par la propagande droit de l'homiste. Voilà, des ringards qui croient en l'égalité des races ou je sais pas quoi, voire que les races humaines n'existent pas, les cons. D'ailleurs, puisqu'on parlait de races et de chiens, elle en avait un aussi, la dame. C'est la race des lévriers, mais c'est la taille en dessous. Il y a trois tailles, il y a le lévrier, le whippet et la levrette italienne. La levrette italienne. Oui, c'est un petit machin qui trempe tout le temps. On dirait que c'est un lévrier afghan. Ah non, les lévriers afghans, ils ont des poils longs. Ouais, vous lui avez rasé les poils, quoi. Non, je l'ai pas rasé, il est né comme ça, pauvre bête. Ouais, c'est ça. C'est louche, cette histoire de levrette italienne, on dirait du Manoukian. En tout cas, ça peut à plein nez le lévrier afghan sans papier camouflé. Heureusement, j'ai rencontré des gens beaucoup plus fiables qui m'en ont appris de belles sur les migrants. Puis ce matin, j'étais chez mon pédicure dans le... C'était juste si je pouvais rentrer dans l'immeuble. Ah oui, parce qu'il y en avait beaucoup ? Ben oui, il y en a beaucoup. Puis alors, ils se plaignent les gens parce qu'ils disent qu'ils font leurs besoins partout. Il y a des rats, il y a tout. Ils savent pas se tenir. Ben, ils ont du mal à se tenir, les pas. Puis ils comprennent pas ce qu'on leur dit, en plus. Hein. Mais voilà, ils parlent même pas français, vous vous rendez compte, c'est vrai. J'en ai rencontré des migrants. Ils viennent du Soudan, d'Érythrée. Ils ont un niveau de français complètement nul, à peine supérieur à celui de Franck Ribéry, hein, c'est vous dire. En revanche, ils parlent souvent très très bien anglais. Et ça tombe bien, moi aussi. Mais comme vous êtes nul en anglais, bon, je voulais pas vous mettre la honte. J'ai donc préféré continuer à interroger les bons français de souche du quartier. Alors, on en fait quoi de ces migrants ? ne peut pas en prendre 40 milliards ici. Hein. S'il n'y a rien pour nous, on a encore moins pour eux. Mais si c'est les migrants qataris? Les migrants du Qatar, je ne pense pas qu'ils vont coucher sous les tentes. Ils vont coucher au Georges V. Bah oui, parce qu'ils ont plus de savoir-vivre. Ah, bah, plus de pognon. Ils ont plus de pognon aussi. Mais bon, ça va, il n'y a pas que l'argent dans la vie. Ça m'énerve. Ça, c'est un truc de pauvre. Ils pensent qu'à ça, les pauvres. Dès le début du mois, ils sont là avec leur pognon. La mesquinerie du pauvre, c'est terrible. Hein, n'est-ce pas, Clara? Non. D'accord, oui, c'est ça. Vous n'êtes pas solidaire. Bon, n'est-ce pas, monsieur? Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour les migrants? C'est-à-dire qu'il faudrait aider ces gens-là chez eux. Vous serez prêt à payer plus d'impôts pour aider ces populations-là? Écoutez, on en paye déjà pas mal. Et puis je crois qu'on paye notre tribu actuellement, donc. Ah ben, comment on pourrait les aider, alors? Ben écoutez, c'est en amont. Je crois qu'il faut éviter les erreurs politiques qu'a fait monsieur Sarkozy il y a quelques temps avec la Libye. Puis c'est tout, quoi. Et oui, et là, d'accord, on aide les populations en détresse en chargeant un dictateur de les stocker dans son pays, dans des camps de réfugiés. La solution est intéressante. Mais quelle mauvaise mais foi, si, mais non, c'est ce qu'il proposait. Non, c'est ce que non, le monsieur c'est proposait. Genre, c'est une solution politique, car c'est un problème politique, l'immigration et la gestion des demandeurs d'asile. Un problème qui existe depuis longtemps. Souvenez-vous, 1996, les CRS qui expulse les sans-papiers de l'église Saint-Bernard. J'ai même retrouvé un son de l'époque. Allez-vous le reconnaître? On a le sentiment que le gouvernement a manqué là d'un évident savoir-vivre qui aurait été la marque d'un savoir-faire sur un dossier difficile. Et dans ces conditions, on est submergé par une vraie émotion et en même temps, on se dit que cette intervention de force ne règle rien. Eh ben alors, François, ouais, François Hollande, aujourd'hui, il a compris. Lui et son copain Valls souhaitent une vraie solidarité dans ce pays. Ils veulent que la terre entière dorme sur les trottoirs, étant eux-mêmes, depuis un certain temps et sur beaucoup de sujets, déjà complètement à la rue. Merci Guillaume Meurice, qui est allé donc déterrer une archive qui en dit long, n'est-ce pas Valérie Thorragnan? Oui, intéressant, édifiant. Oui. Ouais, ouais, ouais, il a la peur de lui, ouais, je vois comment elle regarde. Allez, on est en compagnie de Valérie Thorragnan jusqu'à 18h. On va reparler de votre ouvrage « L'étrangère » paru chez Flammarion juste après. Un petit approfondissement de ce sujet numéro 2. Le ministère de la Défense a annoncé la réforme de l'école polytechnique. À l'international, l'élitisme à la française est dans les choux. Et puis sur un campus étranger, je ne vous cache pas qu'on reconnaît vite un élève de polytechnique à son accoutrement. C'est pas du bon côté. Bon lieu de saloperie. Les boches, ils ont des bottes. Ils perdent pas de temps à s'envelopper les pieds comme des cadeaux de Noël. Ça, c'est vrai, chef. Moi, je vais vous dire un truc, chef. C'est avec des conneries comme ça qu'on perd une guerre. Tant qu'on se fringue, crac, ils sont là. La 7e compagnie. Voilà, cette réforme pose la question, évidemment, de ces grandes écoles. Enfin, grandes écoles qui sont finalement des micro-écoles, fabriques de micro-élites. Mais alors, il y a aussi, donc, dans cette réforme, par exemple, ce qu'on appelle la pantoufle. Par exemple, à Polytechnique, les étudiants sont rémunérés pendant leurs études et s'ils partent dans le privé avant 10 ans, ils doivent rembourser à l'État et figurez-vous qu'ils oublient, ils ne le font pas. Ah, la distraction de ces gens. Ils ont beaucoup de boulot aussi. Hein. Est-ce que c'est pas là que nos élites apprennent à vivre sur l'argent public sans rendre de compte? Quelle vision vous avez de ces grandes... J'ai la vision du tricorne et au risque de vous décevoir, je suis absolument pour, hystériquement, le maintien du tricorne. Passons nos vacances ensemble, Valérie Thorragnan. Je suis d'accord aussi, je suis d'accord. Arrêtez, c'est hyper excitant. Vous aimez la petite épée, l'uniforme. J'adore tout ça, j'adore le tricorne, j'adore qu'on les repère à leur tricorne, j'adore que ce soit justement cette école-là avec ses usages complètement... Ringardissimes. C'est formidable, l'épée, tout ça, c'est formidable. Il y a sûrement du ménage à faire à l'intérieur dans ce qu'ils apprennent et dans les contenus. Voilà, je lisais des articles ce matin où on ricanait sur le fait que très souvent ces gens-là ne savent même pas parler l'anglais correctement et qu'ils ont une vision très hexagonale. Tout ça, c'est sûrement des très bonnes critiques. Mais de grâce, par pitié, gardez le tricorne. Ne nous banalisons pas comme tout le monde. On sent que vous avez un vrai combat avec ce tricorne, une vraie relation. J'aime bien les symboles. Je ne soupçonnais pas ce combat. Et je pense que les gens adorent finalement aussi les rituels et que ça passe par des petits. Ouais. Ben voilà, le protocole, le carnaval. Le carnaval, mais c'est formidable le carnaval, c'est formidable. Oui, peut-être que le cours de tir à l'arc n'est plus utile aujourd'hui pour les guerres. Mais c'est magnifique le tir pourquoi à l'arc. Pourquoi pas. On apprend la maîtrise, sur le campus de Polytechnique, ils ont tout ça. Hein. Sur le campus de Polytechnique, il y a aviron, il y a golf, il y a poney. Et d'ailleurs, les grands sportifs sortent de Polytechnique, hein. Ça tout le monde le sait. Hein. Donc, voilà. Donc, disons que de la pointe de l'épée, il signe d'un X qui veut dire Polytechnique. Moi, je suis content que l'invité ne soit pas d'accord avec vous, parce que vous aviez posé une question un peu dans le sens, dites-moi oui, parce que... Il rembourse pas la pantoufles quand même. Mais après, la France s'étonne qu'ils vivent sur l'argent public puis qu'ils ne dépensent pas. Ça, alors, et après, ils ont des phobies administratives, etc. Non, voilà, c'est pas bien. Moi, dès que je bois un peu de sangria, je suis café du commerce. On n'a qu'à tous les pendre et puis aller Hermès en une, Bernard. Tiens. Alors, voilà, donc tant qu'on y a terminé la sangria, si on passait vraiment. Si on prenait. Si on passait au génocide arménien. L'émission, elle est carrée. Avec Clara Dupont-Menon, qui va nous parler du livre de notre invité. Je suis désolé, Valérie. Un petit verre de sangria avant de parler du génocide. Non, ça ira. D'accord. Ça ira. Sangriant. Oh là là. On va y arriver. Parce que l'actualité, c'est donc le très beau livre de notre invité, Valérie Thoragnan. Il s'appelle L'étrangère. Charline, vous l'avez dit tout à l'heure, le titre est un clin d'œil à Albert Camus. La phrase en exergue que vous citez d'Albert Camus est « Ceux qui ont vraiment quelque chose à dire, ils n'en parlent jamais ». Et en effet, ça résume très bien la personnalité de votre grand-mère. Parce que ce livre retrace son itinéraire. Et cette grand-mère, la vôtre, elle ne parle pas. Elle ne dit rien de ce qu'il y aurait vraiment à dire, justement, et qui est le génocide arménien. Votre grand-mère, elle s'appelle Aravni, donc c'est son prénom, et c'est une rescapée. Elle a perdu à peu près tout dans le génocide, son père, sa mère, sa sœur, son mari, tous exterminés par les Turcs, la maison, toute sa vie. Sa survie est à elle seule une épopée, et pourtant, enfin sauvée, enfin installée en France, Aravni ne décolère pas. Et votre livre, Valérie Thoragnan, c'est l'histoire d'une colère. C'est l'histoire d'une femme au poing serré et qui, au fond, n'a jamais digéré qu'on extermine et sa famille et son peuple, ce qui peut se comprendre. Elle s'en est tirée justement parce que la colère l'a maintenue droite. Elle est magnifiquement orgueilleuse et d'ailleurs au cœur du génocide, sa tante l'engueule en lui disant « Oh, mais t'es quand même pas la reine d'Angleterre !» Parce que même au cœur du convoi et avec les pires horreurs, elle reste avec une espèce de prestance et de maintien. Le jour où son fils, donc votre père, lui présente sa future femme, donc votre mère, eh ben Aravni, elle est furax. D'abord, son fils la quitte, ce qui est juste inconcevable, hein, alors même qu'il est adulte, ça se fait pas, voilà, ça se fait pas, c'est juste comme ça. Et en plus, votre mère, elle est blonde aux yeux bleus, elle s'appelle Françoise, donc c'est très française, et ça c'est le pompon. Vous écrivez, comment peut-il lui faire ça, une Française? Comment le persuader de renoncer à une union aussi désastreuse? Alors, pas si désastreuse parce que vous êtes là, quand même, hein, mais c'est comme ça, Aravni, elle tempête. Elle nettoie tout à l'eau de Cologne à cause des microbes, elle est obsédée par les microbes, elle exige que vous dormiez avec une culotte parce que pour elle c'est moins sale, et elle vous dit qu'est-ce que tu attends pour te marier? Il faut se marier sans réfléchir. Elle est en lutte en fait, tout le temps. Et cette idée de survie liée à la colère, je la trouve extrêmement belle parce qu'en fait on n'est pas habitué. La colère en général n'a pas très bonne réputation et on est dans une société où on nous enjoint, certainement à raison, hein, de parler plutôt que de pester, de comprendre plutôt que de s'insurger. Et pas Aravni, pas votre grand-mère. Et elle me rappelle l'héroïne d'un livre, alors, elle carrément radicale, mais un livre qui avait eu l'effet d'une petite bombe sortie il y a 10 ans, qui avait eu le Goncourt du premier roman, et qui s'appelait « Le nom de Clara », avec un K, de Swazig Aaron. Et c'était l'histoire d'une rescapée d'Auschwitz, vous vous rappelez? Ah ben voilà, oui, l'histoire d'une rescapée d'Auschwitz qui ne pardonnait pas. Et alors elle, c'était un cran au-dessus quand même de Aravni, parce qu'elle n'était pas seulement remplie de colère, hein, mais de haine. Donc là, on était vraiment assez loin. Et d'ailleurs, cette Clara revenait en Allemagne, retrouvait son appartement occupé par les Allemands, elle avait donc été spoliée, et en fait, elle les tue. Voilà. Donc, je vous le dis, c'est très radical, mais c'est une réaction qu'on n'a pas l'habitude ni de voir, ni d'entendre. On est habitué à la parole et au pardon. C'est très bien, c'est pas le problème. Mais il se trouve que l'espèce humaine est quand même riche de 1000 réactions. Et ce n'est pas un hasard, d'ailleurs, je parle de parole, si Aravni se tait. Elle ne raconte pas le génocide arménien et vous écrivez « À l'image de son corps massif, son passé est une citadelle, imprenable. » Et l'histoire n'en parle pas. Résultat, vos camarades d'école, ils sont sceptiques. Ils vous disent « Un génocide des Arméniens, t'es sûr? Mais pourquoi on l'a pas étudié en histoire? T'exagères. » Voilà, exactement le souci. Et à un moment, vous écrivez, Valérie Thoragnan, « J'ai 13 ans et je voudrais être juive. Je voudrais être juive parce que c'est comme être arménien avec la reconnaissance en plus. Je voudrais être juive parce qu'on parle du génocide des juifs dans les livres, dans les films, dans les débats des dossiers de l'écran sur Antenne 2 et que c'est rassurant d'être une victime reconnue. Le fait que les Turcs refusent jusqu'à aujourd'hui de reconnaître le génocide des Arméniens rend fou. » Et du coup, votre geste d'écrire l'histoire de votre grand-mère, c'est aussi un geste politique. Parce que vous mettez de la parole là où il y a du silence, vous donnez la parole à une femme qui était réticente à la prendre. Et je ne sais pas si vous l'avez mesuré, mais c'est tout le rôle de la littérature. Tout est là de la littérature, c'est donner une voix à ceux qui n'en avaient pas, à la fois parce qu'ils ont eu besoin à un moment de la colère pour se tenir debout, et aussi parce que leur drame a été enfoui par l'histoire. Je redonne les références de votre livre, Valérie Thoragnan, L'étrangère est paru chez Flammarion. André Manoukian, oui. Ça résonne chez vous? Ben bien sûr que ça résonne. Moi, je suis dans le même cas en ce moment avec mon père qui a 94 ans. Et c'est ma fille qui essaye de lui soutirer les choses et il ne veut pas. Il veut pas. Alors, on reconstitue le parcours de mon grand-père qui lui, qui a été prisonnier, qui s'est évadé. Le parcours de ma grand-mère qui est allée jusqu'en Syrie, qui avait cette... On fait tous par bribes dans la famille maintenant. On est tous de la même génération. On essaie de choper les photos. Et ce silence peut-être nous a sauvés, d'une certaine manière. Moi, mon père, on lui a offert son premier vélo, il avait 12 ans, il habitait Lyon, il a été jusqu'à Grenoble en vélo. À 12 ans, faut le faire quand même. En fait, il a passé sa vie à fuir parce qu'il a entendu toute son enfance des récits de massacres. Et pareil, quand un enfant entend des récits d'atrocités, c'est pire que quand il les voit. Jusqu'à la veille de la mort de son père, il se retrouvait, les Arméniens qui arrivaient, ils ont mis une trentaine d'années à arriver tous, et ils étaient tous porteurs de ces récits. Et quand j'ouvre le livre de Valérie, je vois des choses que je n'ai jamais lues, et je suis en train de reconstituer, en me projetant, le parcours de ma grand-mère qui a connu les mêmes choses, parce qu'il y a des mots qui résonnent, il y a des souffrances qui sont les mêmes. Mais vous êtes pour le silence, alors. D'une certaine manière, en me préservant de ce récit-là, moi, j'ai aucune haine contre personne. J'ai des copains à qui on a tout raconté, et eux, ils sortent le champagne quand il y a un tremblement de terre en Turquie. Je préfère être à ma place qu'à la leur, mais ça pose une vraie question sur le devoir de mémoire. Comment est-ce qu'on transmet? Il ne s'agit pas d'occulter complètement, mais il s'agit comment on fait pour raconter ça à ses gosses. Et la question, elle reste ouverte, quoi. Et c'est quelque chose que vous avez voulu faire, ce devoir bien de sûr. Mémoire, Valérie Thoragnan. Oui, mais vous savez, la transmission, elle existe de tellement de manières, elle existe tellement à notre insu, à l'insu de ceux qui transmettent et de ceux à qui on transmet. Je pense que ma grand-mère, quand elle me gavait avec ses gâteaux, les échanges que nous n'avions pas, et cette relation, ce rapport, moi, comment je me suis construit aussi dans cette double culture. Ce rapport très important qu'il y avait aussi à la France, c'est-à-dire que les Arméniens venaient en France, c'était une terre d'accueil, mais c'était une terre des grands hommes et de la littérature. C'est pour ça que j'étais beaucoup touchée par votre chronique sur le livre. C'est que moi, je ne connais pas le récit de ma grand-mère, mais quand je lis Victor Hugo et Les Misérables toute petite, je lis à travers les mots de Victor Hugo ce que j'imagine qui est de l'ordre du récit de ma grand-mère. Et tout d'un coup, il y a quelque chose qui se crée, une liaison qui se fait très forte entre l'idée de la littérature et l'idée de ce récit que j'aurais pas, et l'idée que tout ça, c'est aussi une histoire de mots et qu'il m'appartient peut-être aussi à moi à un moment donné de l'exprimer avec mes mots à moi. Et que finalement, c'est ça, c'est ça qui est très très fort. Donc ce rapport aux grands auteurs français, c'est aussi une manière de... Voilà, ça m'a fait française aussi par l'Arménie, si je puis dire. Enfin, c'est... Voilà. André Manoukian, vous allez essayer d'écrire ou votre fille, elle va essayer d'écrire? Elle est des en choses train d'essayer, oui. En plus, il y a une... Bon, c'est... Bah, si elle est aussi prolixe que vous, à mon avis, elle a pour 50 ans, quoi. Elle est en train d'essayer. On a retrouvé, voilà, c'est ça, on a retrouvé les carnets de mon grand-père que mon père planquait, qui ne voulait pas nous filer. Ils sont écrits en arménien. On est en train de chercher quelqu'un pour les traduire. Je pense que lui, il a donc écrit beaucoup de choses. C'est la troisième génération qui prend ça en main. Mais c'est la quatrième génération qui prend ça en main. Et le problème, c'est que si on fait complètement silence, on risque de faire, dans une génération de plus, des gars qui vont aller avec les Kalachnikovs pour se battre sur le Karabakh aussi. Donc le truc, il est insensé. Par contre, moi, ce qui me fait du bien, il y a plein de gens qui m'ont dit « ça t'a fait du bien d'aller en Arménie ». Quelque part, je dis « c'est pas de là qu'ils viennent ». Moi, ce qui m'a fait du bien, c'est d'aller à Istanbul il n'y a pas longtemps. Et c'est de faire de la musique avec des Turcs. Et c'est de voir que les jeunes Turcs qui sont en train... Aujourd'hui, il y a 30% des gosses turcs qui sont en train de se dire « ouais, il s'est passé un truc ». Le parti là qui est arrivé, qui a foutu Erdogan de côté, c'est des Kurdes. Mais il y a des Arméniens qui sont alliés. Alors, c'est un peu bizarre parce que ils sont alliés avec leurs bourreaux. Mais bref, il y a des choses qui sont en train de changer. Et moi, c'est carrément là-bas que j'ai envie d'aller aujourd'hui. Et en plus, ils sont nuls en musique, les Turcs. Et c'est bien fait pour eux. Et voilà, ça, le débat soulevé par l'ouvrage de Valérie Thoragnan qu'on vous conseille chaleureusement, L'étrangère, paru chez Flammarion. Allez, un peu de sketch. Vous savez, cette émission, c'est un peu la douche écossaise. Voilà, donc ce matin, Manuel Valls a parlé et tout le monde est d'accord pour dire que c'était pas la meilleure com. Alors, comment on en est arrivé là? On avait des micros dans le bureau de Matignon. Valls, c'est Guillaume Meurice. Charline et moi sommes les experts en com. Allez, c'est parti. Les amis, j'aime pas être vulgaire, mais on est dans la merde. Oui, mais vous pourriez pas supporter un club français aussi? Pourquoi vous dites ça? Et parce que moi, vous devriez jamais aller voir la finale de la Ligue des Champions. Bon, de toute façon, c'est fait, c'est fait. Bon, qu'est-ce que je balance comme excuse? Moi, je veux pas passer pour un con. Alors justement, on a bien réfléchi. Aïe. Le mieux, c'est que vous disiez que vous aviez un rendez-vous. Oui, mais j'avais pas de rendez-vous. Mais on sait. On sait. Ouais. Mais vous diriez que Platini avait un truc à vous dire. Ouais, mais Platini, il vient à Paris lundi. Mais on sait. En revanche, vous direz que si c'était à refaire, vous ne le referiez pas. Hein. Oui, mais vous voulez que je dise que c'était important que j'y aille, mais que si c'était à refaire, je le referais pas malgré le fait que c'est important, ça. C'est ça. Ouais, mais j'ai passé pour un con là. Non. Et pour mes enfants. Alors, on a bien réfléchi. Aïe. Bon, vous allez rembourser leur vol. Ouais, voilà. Et vous allez dire que de toute façon, ça n'a rien coûté à l'État. Ah, donc vous voulez que je dise que je rembourse un truc qui n'a rien coûté? C'est ça. Mais voilà, j'ai passé pour un con là. Non. Ah. Bon, vous savez quoi? J'ai réfléchi. Aïe. Vous avez raison au début. Je vais dire à la France que je suis supporter d'Evian Tonon Gaillard. Ah là là. Vous allez vraiment passer pour un con. Aïe. Voilà. Ça, à mon avis, c'est vraiment pas loin de... Comment ça s'est passé? Ça doit être comme ça. À peu près. C'est à peu près. Merci beaucoup Valérie Thoragnan d'avoir passé ce moment avec nous. Donc votre ouvrage, je rappelle, L'étrangère, paru chez Flammarion. Vous pouvez réécouter bien sûr la chronique de Clara Dupont-Monod à ce sujet et le débat qui s'en est suivi avec André Manoukian. Merci à tous autour de cette table. Et où on est demain? Eh bien, nous serons à Belfort. Oui, venez nous voir si vous êtes venez dans le coin. Venez nous voir à la salle des fêtes. Alors ça doit être dans le centre, à peu près. Ça doit être à peu près dans le centre. Qui est l'invité? À 17h. Le directeur du Cirque Plume. Voilà, formidable. Tout le monde connaît la salle des fêtes à Belfort. Voilà, Valérie Thoragnan, par les ondes, vous serez avec nous, j'espère. On se retrouve donc demain, le mot de la fin, à Serge Dassault, qui est tombé en amour devant son meilleur VRP, François Hollande. Je te jure que je sais pas ce qui m'arrive. Mais ça fait déjà plusieurs mois que je ressens un truc bizarre quand je te vois. Il n'y a qu'avec toi que je ressens ça.